vais dans des airs qui conduit tout là-bas. Un homme rude et fort qui marchait à grands pas. Derrière un petit gars, lui emboîtait le pas, mais n'y arrivait pas. Papa, oh papa, attends-moi, je ne peux pas. Papa, si tu vas à grands pas, faire ton pas. Un pas, c'est un pas, mais ton pas, je ne l'ai pas. Papa, oh papa, je ne peux pas. Parfois le bonhomme s'arrêtait pour laisser glisser aux gamins le temps de le rattraper. Sitôt qu'ils étaient à nouveau rassemblés, alors ils repartaient. Papa, oh papa, attends-moi, je ne peux pas. Viens là mon petit gars, t'en fais pas, prends mon pas. Un pas, c'est un pas, mais ton pas, je ne l'ai pas. Viens là mon gars, ne t'en fais pas. La marche avançait, mais le temps défilait. Notre homme vieillissait, le gamin grandissait. Son pas s'allongea, et maintenant pas à pas, il s'en allait là-bas. Papa, oh papa, regarde-moi faire mon pas. Papa, si tu vas à grand pas, je fais comme toi. Un pas, c'est un pas, et ton pas, c'est mon pas. Papa, papa, je fais ton pas. Il y avait dans le désert qui conduit tout là-bas un homme rude et fort qui marchait à grands pas. Descend derrière lui un vieillard qui a dit: adieu, j'arrête ici. Va, va, mon petit gars, d'un bon pas, n'attends pas. Mon pas est trop là, va tout seul vers là-bas. Un jour tu verras un gamin qui suivra ton pas et le rattrapera. Un jour tu verras un gamin qui suivra ton pas et le dépassera.